Donc nous étions donc arrêtés sur vous dans un peu dans la maison, un peu à droite à gauche. Avant cela, Lynn avait trouvé, grâce à ses talents en informatique sur le dark web, des informations sur ce fameux symbole gravé sur la porte qui en fait serait lié à une divinité grecque mineure très peu connue qui aurait plusieurs noms en fait. Elle a trouvé le nom Kor, le nom Kos ou le nom Yos. Et plus particulièrement pour le nom Kor, ça fait une référence à la reine des enfers à qui est lié un rituel qui est le rituel de Katabasis, qui est littéralement un rituel de descente physique dans le monde souterrain. J'avais trouvé aussi également que ce symbole avait été gravé alors soit par une griffe ou une corne qui donne un peu cet aspect un peu très caca, enfin pas beau sur la porte. Voilà. En ce qui concerne Marc, tu avais démarcher un petit peu les voisins, faire le tour du voisinage pour savoir un peu comment était perçue la famille. Et je me suis rendu compte que c'était une famille très intégrée, très appréciée. Les gens aimaient beaucoup passer du temps avec eux, le barbecue le samedi, des petites excursions à droite à gauche, on va chez les gens, tout se passait bien. Donc, du coup, ce côté-là, pas de problème. Maintenant vient nos deux enquêteurs professionnels, que ce soit Denis et Kenny, qui eux sont allés directement sur le front et ont rencontré la mère Evelyne Bernier, qui leur a expliqué que depuis qu'il y a eu ce problème de marque sur la porte, elle se sent vraiment pas bien, elle sent vraiment mal à l'aise dans la maison, elle sent quelque chose ne tourne pas rond, et c'est un peu ça qui l'inquiète, d'où le fait qu'elle ait appelé la police. Et du coup, elle est très contente de vous voir. Vous avez rencontré par la suite Catherine. Catherine, l'enfant de 10 ans qui est muette, qui elle, vous la sentez très sereine, pas peur du tout. Et Denise, tu as remarqué que elle avait dessiné un petit dessin où elle se représente avec une espèce de masse sombre, qu'elle dit être son amie et qu'elle appelle Douceur. T'as essayé de creuser, mais t'en as pas pu avoir davantage. Mais bon, ça t'a un peu intrigué quand même. Et vous avez par la suite, après, discuté un peu avec Chad, le frère, qui lui, c'est un ado, hein, un peu en retrait, un peu introverti, mais à la fois assez rebelle. Il sait quand même se marquer son terrain. Qui lui, il prend ça vraiment en sens. C'est des gars du quartier ou de l'école qui foutent le dawa dans le quartier. Et que, bon, pour lui, ça va pas plus loin. Sinon, il avait remarqué que, effectivement, par deux fois, une fois où il était tout seul à la maison, il aurait entendu un bruit bizarre. Mais bon, il a mis ça sur le compte de la maison elle-même. Comme quoi, c'était peut-être le parquet ou je sais pas, ou le plancher. Et une autre fois où il était seul avec sa sœur, les parents étaient sortis et donc il n'était pas censé y avoir quelqu'un d'autre et il aurait entendu sa sœur se déplacer et peut-être avec quelqu'un avec elle, ce qui est vraiment surprenant, donc il n'a pas été chercher plus loin non plus. Vous avez rencontré le père, qui lui était un peu surpris de votre présence. Vous avez au début un peu mal géré la présentation parce que vous êtes allé un peu au front, en sens, vous inquiétez pas, on est à FBI, vous n'avez été pas plus loin que ça. Donc lui, ça l'a un petit peu énervé. Il s'est empressé d'aller passer sa femme qui a un peu tassé le truc, calmé tout ça. Mais clairement, vous voyez que c'est quelqu'un qui il s'en fout complètement de cette histoire. Pour lui, c'est rien du tout. Et que s'il fait ça, c'est uniquement pour sa femme, parce qu'il sent qu'elle est très stressée par tout ça. Donc, voilà. Là, en ce moment, nous avons donc Kenny qui est dans la maison, Lynn lui a demandé de placer des spies, tu vois, des USB en fait pour piquer un peu toutes les données dans tous les instruments informatiques de la baraque. Donc il se en sneaky, il se balade un peu dans la maison. Pour l'instant, il se débrouille bien. Il s'est pas fait avoir. Nous avons donc Marc qui est avec le papa devant l'entrée, en train de discuter de tout ça. Nous avons Dennis qui est lui avec Chad en train de se faire une petite partie de basket bien sympathique. Et Lynn, toujours dans son bunker personnel, qui supervise un peu tout ça de loin en mode chef d'escouade. Et voilà donc où nous étions arrêtés. Donc je vous laisse maintenant libre de faire ce que vous avez à faire. Ou bien je vais prendre la parole en premier pour tout simplement faire un petit message disant que une fois que Kenny aura fini de infecter tous les PC possibles et que vous aurez fini de cuisiner chacune des personnes individuellement, c'est peut-être intéressant qu'on se retrouve du coup tous ensemble pour pouvoir communiquer et voir du coup sur quoi on part pour la suite. Ok. Du coup, juste moi, pendant que je suis en train de jouer avec Chad, du coup, j'ai été très intrigué par ce qu'il vient de me dire là. Donc, je vais quand le ballon va me revenir, je vais volontairement le jeter du côté un peu là, enfin pas trop où on est par rapport à la maison, mais plus du côté où on voit pas trop vers il y a des fenêtres. Voilà, pour subrepticement regarder. Voilà. Mmh. En prétextant d'un chercher le ballon. Voilà. Ah, des traces d'infraction dans autour de la maison, c'est ça ? Sur la fenêtre. Sur les fenêtres. Sur les fenêtres. Genre, le genre de truc assez évident, genre une petite rayure sur la peinture, une connerie du genre. Un bout de plastique. Okay. Écoute, tu fais ça, effectivement, tu vois Chad limite râler parce que mais vous êtes trop nul là. Et il commence à aller chercher le ballon. Non. Ok, parfait. Et du coup, pendant ce temps-là, tu essaies de regarder vite fait à droite à gauche si tu vois des trucs qui pourraient être bizarres ou sur les fenêtres et tout. Et tu ne vois absolument rien du tout. Ok. Mais rien. C'était parfaitement nickel. Je vais regarder les fenêtres à côté aussi. Pour celle qui m'intéresse le plus, c'est la chambre de la petite, évidemment. Alors, tu es en bas, hein, donc la chambre de la petite, c'est au premier étage. Donc, on va dire que d'en bas, rien y a rien qui te paraît bizarre. Et les gouttières, elles sont pas un peu biscornues, je sais pas, tordues. Non. À un endroit, il y a pas, genre, elles sont pas un peu. Non. Vraiment, tout est nickel. Ok. Tu vois Chad qui revient avec le ballon. Moi, va falloir qu'on fasse quelque chose, hein, parce que vous êtes pas bon, monsieur. Ouais, non, ouais, j'ai toujours préféré le hockey. Je suis pas vraiment de ce point-là, mais bon, bref. Ouais. Okay. Ouais. Oh, ouais, truc intéressant. C'est ok. Hein. C'est okay ouais, oui. t'as compris. ouais, du coup. Bon, vous avez toujours pas changé d'avis. Hein. Vous voulez pas me montrer votre flingue. Bon, ils sont là les parents ou pas déjà? Bah, t'es un peu caché des parents parce que vous êtes le garage. Eux, ils sont devant. Je les occupe. Je l'occupe le père. Non, mais là, logiquement, vous êtes là où vous êtes. Les parents vous voient pas. Vous êtes un peu sur le côté, quoi. Bon, je veux bien être sympa avec toi, mais attention. Je te dis, ceci est une arme létale. Elle peut tuer quelqu'un. Ah, vous êtes trop sympa, monsieur. Mais le cran de sécurité, je veux dire, tu ne touches absolument pas à ça. Merci, merci. Ah, tu vois qu'il prend l'arme dans sa main. Attends. Quoi? Avec attention, Dix, quelqu'un. Tu la prends doucement. Tu mets tes doigts sur la gâchette. Tu vois qu'il fait vraiment comme t'as dit. Il prend doucement. Il met pas ses doigts sur la gâchette. Il prend que la crosse. Donc il faut l'imaginer avec la main comme ça. Le doigt il est comme ça, tu vois. Et il fait genre. West Coast, tu vois. Genre. Bon, il fait comme ça. Bouge pas, police. Bon, après, il te le rend, tu vois. Ah, merci, monsieur. Vous êtes sympa, vous. Voilà, bon, ça fait quoi de tenir dans sa main quelque chose qui permet de détruire une vie humaine comme ça là. Ah, franchement, c'est impressionnant, quoi. Après, d'en avoir une tous les jours, comme ça, portée de main, et enfin, légalement. J'avoue que c'est le genre d'arme, des choses que j'aurais bien aimé y avoir quelques années en arrière, mais bon, je veux pas trop en parler. Tu vois qu'il arrête de parler. Ah, mais tu sais, tu peux tout me dire, hein. Franchement, je vais te dire, moi aussi, hein, j'ai eu des problèmes quand j'avais tout cet âge-là, dans les petits cons, le harcèlement, le racket, genre de choses. Et regardez ce que je suis aujourd'hui, je suis agent du FBI. Elle va croire que les petits merdeux, ils finissent toujours chaumdus quand on y est criminel. Gros, je les vois, les petits morveux qui m'ont inquiété. Franchement, t'as pas de peur, t'as pas à avoir peur, c'est pour... Tu peux tout me dire, mon gars. Est-ce qu'il va te dire quelque chose? Non, je peux pas. Oh. C'est. Non. Les dés ont parlé. Mais vous êtes vraiment gentil, mais je peux pas, c'est compliqué. Ouais, tu sens vraiment que. C'est quelque chose qu'il. Quand tu le regardes, c'est quelque chose qui l'a marqué, quoi. Que c'est difficile pour lui d'en parler et que. C'est... Voilà. Si, en tout cas, si c'est ce que je pense, je sais pas comment est la police locale, mais. Je sais qu'il y a pas mal de cons chez nous aussi, hein, et que ça fait toujours de bien d'en virer un ou deux, alors même si t'es. Si t'as eu des problèmes, je sais pas, moi, ça peut arriver, hein, souvent. Hein. Les gens qui abusent de leur pouvoir, tout ça. Alors, en tout cas, bon, je comprends que ça doit être dur d'en parler. Je respecte ton choix, mais sache que je suis là. Que je suis sûr que tu peux en parler à ton infirmière scolaire aussi. Écoute, bon, c'est peut-être un peu tard, mais... Non, mais merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Et jamais... Mais tu vois que, bon... commence quand même un peu à ça commence comme si ça faisait remonter des souvenirs enfouis, tu vois, et dit bon je vais aller me reposer un peu et puis j'ai des devoirs à faire, et tu vois qui pose le ballon et qui te dit au revoir et qui s'en va. Salut gars. Qu'est-ce que vous faites où t'en es Kenny, mis à part le rhume qui vient subitement de te frapper Sans savoir quoi. C'est ça, j'ai attrapé un rhume foudroyant. À force de sneaky. C'est ça. Alors, si je me souviens bien, j'avais fait le PC de l'ado et le PC parental. C'est ça. Sachant que la fille n'a rien du tout. C'est ça. Et je savais pas si on avait d'autres ailleurs. Non, là, donc, clairement, t'as fait quasiment tous les appareils type ordinateur. En sachant que les portables, ils les ont chacun sur soi, donc ce sera compliqué de les faire. Ok, donc je vais les mettre KO et je vais récupérer les portables. Non, mais bon, au moins, tu as déjà les informations de ce qu'il y a dans le PC familial et le PC de chat. Ok. Je pense que je vais juste sortir de la maison. Je sais pas trop ce que je pourrais rajouter à ça, donc je vais juste sortir et... Ok, donc... D'accord. Donc là, ce que je vais faire, je vais demander à Lynn, à Denis et à Marc, voilà, soit d'enlever votre casque physiquement, soit juste de couper. Vous avez la fonction enlever le casque sur Discord. Tu vois, couper le casque directement. Ok. Pas sur les appels. Ah si, on peut mettre... Ouais, si, si, ouais, tu as, vous pouvez, hein, tu peux faire ça, couper le casque directement. Voilà. Donc, Kenny. Ouais. Tu es en bas. Tu commences à te rapprocher de la porte de sortie. Et tu arrives au niveau de l'escalier. Arrivé à l'escalier, tu sais que Catherine est dans sa chambre. La chambre est fermée. Chad n'est pas encore monté. Il est toujours en train de discuter pour toi avec, avec Denis. Et au moment où tu arrives au niveau de l'escalier, t'entends un bruit. T'entends du bruit au niveau de la salle de bain. Oh, la salle de bain d'en haut. Oui. Ok. Alors, comme je me souviens que j'avais quand même regardé la salle de bain juste avant d'aller dans les autres chambres avant, je sais qu'elle était vide. Et comme, a priori, personne d'autre a bougé, je m'en inquiète et je pense que je vais aller ouvrir la porte pour vérifier. D'accord. Sache que, déjà, la première fois quand tu es rentré, la première fois dans cette salle de bain... Oui, oui, j'avais vu un mouvement. Tu as eu l'impression de voir quelque chose bouger. Et donc, tu remontes, tu vas vers la salle de bain. Ce que je fais, tu ouvres la porte, tu rentres à l'intérieur. Tu fais quoi? Je vais ouvrir la porte. Ok. Tu ouvres la porte. Et rien du tout. Pas la moindre. La pièce est quasiment dans le même état. Sauf que tu t'apprêtes à partir. Tu t'apprêtes à refermer la porte parce que tu n'as rien vu. Et tu remarques que dans un coin, au niveau des lavabos, tu sais, tu as ces portes-serviettes en rond. Donc tu as la serviette qui est posée dessus. Tu notes que ouais. Ce rond-là, du côté de Catherine, il y en a un qui bouge. Comme s'il avait été touché par quelque chose, il était dans l'élan de faire un balancier de droite à gauche. Et la serviette qui était dessus, au bout d'un moment, tombe. Voilà. Oh. Je pense que je reste immobile un petit moment, juste le temps d'être sûr qu'il n'y a vraiment personne. Et je pense que je vais juste dire, il y a quelqu'un. Au cas où je l'aurais raté, mais j'imagine qu'il n'y a pas de coin où je pourrais rater. Mais... Tu dis ça et rien ne se passe. Pas de réponse. Et c'est vrai que tu peux rester, on va dire, tu restes 5-6 minutes à regarder et rien. Rien, clairement rien. Au même moment, au bout d'un temps, tu entends justement Chad qui commence à monter les marches pour rentrer dans sa chambre. Ok, ouais. Je vais laisser la salle de bain de côté et je vais continuer ce que je faisais, quoi. D'accord. Du coup, on va rappeler tout le monde. Ouais. Donc, Kenny officiellement a un vrai rhume. Hein, voilà. Vous pouvez vous noter que à chaque instant, il n'arrête pas d'éternuer. Incroyable. C'est une coïncidence ou je ne sais pas. Est-ce qu'il doit parler avec le dé comme ça? Je crois qu'il n'y a pas besoin, il va y arriver sans, t'inquiète pas. Il n'y a pas besoin d'être roleplay là, il est vraiment. Parfait. Heureusement qu'il n'y a pas les caméras, hein, parce que vous voyez quelque chose de rigolo. Du coup, Marc, que fais-tu? Moi j'essaie toujours d'occuper le père le mieux possible. histoire que le. Est-ce que tu dis quelque chose de particulier? Sur occuper le père, est-ce que tu lui parles de quelque chose? Parce que. On est en train de parler de quoi avec le. Oh bah là, honnêtement, j'avoue que t'étais plus en train de d'expliquer un D'accord. peu l'affaire, okay. votre venue, les trucs comme ça, du truc bateau quoi. Et sinon, vous travaillez dans quoi ? Ah, bah je suis dans l'informatique. Je suis un ingénieur en micro-puces. Je travaille beaucoup à la maison et de temps en temps je vais au bureau. Là en ce moment je vais au bureau. Oui, Lynn. Vu que moi je gère un peu tout le monde, j'en profite pour glisser du coup. Alors excusez-moi juste le temps que je retrouve les bons noms. Marc, c'est ça sous identité. Oui. C'est, ouais, c'est ça. C'est alors vrai. Marc, c'est son identité la vraie. Après. Ouais, tu peux... Oui, je sais. Ah oui, non, c'est vrai, c'est Morgan l'agent, du coup. L'agent Morgan. On s'appelle tous par nos vrais pseudonymes sur Internet. Comme ça, c'est plus simple. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, il y a des gens qui pop et qui dépop. Du coup, oui, j'en profite pour glisser du coup dans la petite oreille de Morgan. De demander des renseignements vis-à-vis du coup de son ex-femme, de si elle est encore en contact avec les enfants, ce genre de choses, tu vois. Oui, et seriez-vous aussi en contact avec vos enfants? Vous avez un problème avec votre oreille, monsieur? Non, c'est juste une vieille otite, rien de bien méchant. Non, est-ce que vous auriez des contacts avec votre ancienne femme, concernant vos enfants. Au moment où tu dis ça, tu remarques que son visage se durcit. Comme si t'avais évoqué un sujet sensible. Écoutez, mon ex-femme, c'est assez compliqué. J'ai la garde complète des enfants. Disons que ce qui a causé mon divorce, je n'aime pas parler de ça parce que c'est un moment difficile et compliqué pour moi et ma famille. Oui, mais je comprends tout à fait. Mais disons que ma femme, enfin mon ex-femme, Sarah Garrison, était a eu des problèmes dans son travail. Avec son travail, il y a de ça quelques années. Il y a 8 ans de ça. 8-9 ans. Et elle a littéralement pété les plombs. Sauf que on a mis pas mal de temps à s'en rendre compte. Et il a fallu que mon fils, Chad, fasse preuve d'un grand courage pour révéler ce qu'il se passait. Puisque elle a... comment dirais-je ? Et tu vois qu'il c'est là, c'est vraiment dur pour lui de dire ce qu'il est en train de dire. Elle a abusé de mes enfants. Excuses. Non, mais c'est pas votre faute, mais... disons que elle a pratiqué des rituels venus d'une ère d'un lointain passé, je me dirais. Elle les a mutilés, elle les a brûlés. Mon fils avait 7 ans à l'époque. Donc Catherine avait 1 an, donc elle ne se souvient quasiment de rien. Mais quand nous avons appris la chose, elle a été tout de suite appréhendée. Il nous a dit pendant qu'elle faisait ça, elle récitait des prières complètement folles avec un langage incompréhensible. Et que après elle a été déclarée folle et elle a été incarcérée dans un établissement spécialisé. Du coup Comme vous l'imaginez, après c'était le divorce. Nous, on a décidé de partir. J'ai décidé de partir avec les enfants le plus loin possible, sans qu'elles sachent où on soit, pour pas qu'elles puissent avoir un jour l'occasion de nous retrouver. Donc nous sommes venus ici. J'ai acheté cette maison. Enfin, j'ai fait construire cette maison. Et un peu plus tard, j'ai rencontré Evelyne. Mais voilà, aujourd'hui, non, elle n'a plus de contact du tout. Il ne faut pas qu'elle ait de contact du tout avec les enfants. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Mais bon, si vous pouviez éviter d'en parler devant les enfants, ce serait bien. Merci. Tout à fait, c'est tout à fait logique. Je m'excuse d'ailleurs de non, mais je comprends, vous êtes dans votre travail, vous essayez de... Malgré ça, j'aurais quand même quelques questions au sujet de ces pratiques. Est-ce que vous avez des mots qui vous reviennent, des noms? Non, c'est plus Chad qui nous a raconté, mais en même temps, il avait 7 ans, donc il a juste dit qu'il comprenait pas ce qu'elle disait, mais que ça faisait peur, que c'était des mots qui faisaient peur, que c'était mais même des langues qu'il avait jamais entendues, que ça faisait pas humain, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est très... Je vois. Voilà, quoi. Et vous avez jamais eu de souvenirs, entre guillemets, d'elle, même en rêve, en cauchemar, des choses inexplicables? Non. Même le non. Moindre petit... Vous pensez pas quand même que c'est elle qui fait ça, quand même? Elle sait pas, où on est. Je ne sais pas, c'est une supposition. En tout cas, moi, je n'ai plus de nouvelles d'elle et je ne souhaite pas en avoir depuis qu'on sommes partis. Elle a été en hôpital et après, qui sait, la maison où nous étions a été vendue. Je ne sais pas. Peut-être elle est morte aujourd'hui. Lynn ? Je reglisse du coup à l'oreille de Morgane. Essaye d'avoir le nom de famille pour que je puisse faire des recherches sur ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Question ORP, est-ce qu'il n'y aurait pas le nom de famille sur la boîte aux lettres? Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ORP, il l'a déjà mentionné, son nom. Oui, Sarah Garrison. Ah, pardon. Je l'avais dit dans la phrase. Avec le lag, j'ai entendu Tara. Non, Sarah Garrison. Ouais. Okay. Du coup, j'en profite d'avoir fait un petit aparté pour dire que, ayant son nom, je vais chercher dans les fichiers de la police, vu que je suis dans un véhicule du FBI, et que, enfin, voir des trucs, et si je ne trouve pas, je passerai encore par. Alors, tu sais que. Regarder dans les fichiers de la police. En soi, normalement, t'es pas censé le faire. Et en gros, tu prends un risque de te faire, puisqu'en fait ton identité en tant que telle n'existe pas. Je peux commencer par regarder ce qui traîne sur l'internet et le reste, et s'il y a rien, je passe par la police, mais dans tous les cas, je fais ce qu'il faut. Écoute, attends. On va regarder. Le dice. Là, on touche à du sensible, donc. Si tu fais un 99, je rigole. Le FBI, le vrai, arrive. T'es en quoi, toi? Je sais plus. Oui, c'est ça. J'ai 80, de manière générale. Alors. Je vais te montrer quelque chose, tu vas me dire à quoi ça correspond. En sachant que ce symbole, c'est un 1. Oh! Si c'est un 1, ça veut dire que c'est une très très très très bonne réussite. Voilà. Oh, du coup, tu peux m'envoyer le scénario en PDF. Donc... L'enfoiré. Tu trouves... effectivement, une Sarah Garrison... qui vit à Chicago, toujours, qui était une ancienne agent de police au Chicago PD, une lieutenant, même pour être exact, donc à un niveau assez... voilà. Et qui, suite à une affaire qui a mal tourné, elle a perdu son binôme, son partenaire, et que elle aurait subi, elle aurait un peu pété des plombs, comme un peu ce qu'il a dit, et que elle aurait été virée de la police suite à ce coup de folie. Et elle est toujours à Chicago. Voilà. Est-ce que j'ai des détails, genre si elle a commis des bavures, vu qu'elle a été virée de la police, c'est sûrement qu'elle a mal agi pendant ses fonctions. Donc je voulais voir si il y a moyen de savoir un peu les bavures qu'elle aurait pu commettre ou quelque chose du genre. En fait, ce que tu sais, c'est que c'est pas forcément une bavure si ça a dérapé. Ce serait plus pendant une enquête, sur des trafiquants de drogue qui aurait dégénéré, et donc l'interpellation, en gros, ça a mal tourné et son partenaire s'est fait tuer, et elle a très mal vécu ce qui s'est passé derrière. Enfin, c'est compliqué, quoi. Mais tu sens quand même que dans tout ce que tu trouves, il y a des zones d'ombre qui t'interrogent, mais tu ne sais pas, tu n'arrives pas à trouver quoi. Il y a rien de mentionné, c'est très très flou. Pour savoir, là mon corpus, du coup, il vient des fichiers de l'internet, de la police, il vient d'où là, toutes les informations que j'ai trouvées. Là, en gros, c'est mélangé. En fait, en gros, t'as triangulé avec le nom Sarah Garrison, plus des coupures de presse, plus un peu des... pas forcément les fichiers purs de la police, mais peut-être des messages qui seraient un peu fuités, qui seraient arrivés sur le net par rapport à cette histoire. Là, t'as pas été dans le truc de la police. Mais tu sens que c'est très... y a quelque chose de bizarre sur cette histoire. Ce qui s'est passé avec cette Sarah Garrison là-bas, c'est louche. Je note pour en parler à mes collègues quand on sera tous rejoints. D'accord. Du coup, alors, pendant ce temps-là, nous avions donc Kenny, qui, lui, se dirigeait tranquillement vers toi, Lynn. Donc, il croise, tu vois Kenny qui te croise, Marc. Enfin, tu le croises passer, il te salue en disant voilà. Et que fais-tu maintenant, Denis? Ah oui. Ah, que fais-tu? Si j'ai bien compris, ce très cher Brad est rentré à la maison. Comment se nomme-t-il? Qui? Chad? Oui, c'est bien ça, Chad, mais du coup, Marc, lui, est en train d'occuper les parents. Il est rentré à la camionnette, je vais rentrer à la camionnette aussi, mais... Donc, du coup, tu vois également... Quoique, oui. Je passe un petit coup à la radio, pareil, je fais semblant de tousser dans la main. Obligé de rentrer, ou tu penses? Ou bien, possibilité de continuer? Obligé de rentrer, de quoi? Je n'ai pas compris. Céramique. Hein? Keramite. Ah, keramite. Céramique. Tu penses que c'est obligé de rentrer tout de suite ou on peut continuer l'enquête? Ça serait bien qu'on fasse un briefing assez tôt pour qu'on se mette tous sur la même direction. Bien, ok, très bien. Qu'on actualise les choses. Après, de toute façon, on va continuer l'enquête, hein, ça c'est sûr. Mais c'est juste comme ça, on partage toutes les informations qu'on a connectées. Est-ce qu'une rupture ne serait pas nuisible à l'enquête comme ça, je pense? Après, vous pouvez très bien dire, on va un peu croiser les données qu'on a reçues, on revient de suite, quoi. Tu veux dire, t'es pas obligé de, tu veux pas, on revient demain, tu vois. On fait un briefing, on revient dans 10 minutes, 10-15 minutes, tu vois. C'est pas. Parfait. Et donc, du coup, vous faites ça, vous allez tous au véhicule pour voir Lynn. Ok. Bah, du coup, vous voyez donc Evelyn et Timothée, donc les parents, qui vous laissent aller au véhicule. Il dit ouais, si vous voulez, vous pouvez rentrer le véhicule à l'intérieur. Hein, on va pas, ça nous évitera de laisser le portail ouvert. Je m'excuse quand même encore une fois pour le père de la discussion qu'on a eue, mais voilà. Ouais, il te dit il y a pas de souci, vous faites votre travail, je comprends. Du coup, ils ouvrent le portail, ils disent que vous pouvez rentrer le véhicule. Bah, c'est super sympa, merci. Merci. Donc, vous, j'estime que vous avancez le véhicule à l'intérieur, il referme. Il dit, ouais, nous, on sera à l'intérieur, quand vous aurez terminé, n'hésitez pas à rentrer. Si vous voulez manger quelque chose, bon là en gros on va dire qu'il est sur les coups de 15h, enfin non il est plus tard, et il est 18h, voilà. Du coup il dit ouais, si vous voulez un petit tanka, quelque chose, on prépare ça, pas de souci. Et il rentre, ferme la porte. À vous. Je demande un temps de pause, j'ai changé de micro, donc si vous voulez vous régler par rapport au nouveau truc. Oh bah il est très bien. Moi c'est très bien. C'est parfait. Voilà. C'est parfait, il est même mieux que tout à l'heure. Je bouge plus. Bah c'est normal, c'est parce que maintenant j'en ai un. Eh bien c'est parfait. D'ailleurs tu peux parler en premier si tu veux. Comme ça on est sûr que tu vas parler. J'ai raté beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai raté? Juste des enquêtes par-ci par-là, mais ce n'est pas grave parce que comme nous sommes tous dans le camion pour faire un débrief. Et pour d'abord un débrief, il un faut débrief, dire ce qu'on pardon, a en commun. Hein. Et pour voir après comment on oriente l'enquête, et ben du coup on est au point où on va tous se mettre un peu en commun des informations trouvées ici et là. Donc ce n'est pas grave que tu l'as raté, puisque de toute façon tu vas le savoir dès à présent. Ça roule. D'ailleurs après je vais laisser commencer les autres pour moi voir du coup s'il y a eu peut-être des choses intéressantes par les PC. Hacké hein, de la famille, genre si. En gros, truc tout con, mais juste en prenant le contrôle du PC, juste pour voir dans les fichiers s'il n'y a pas des petits trucs un peu cachés, des trucs qui peuvent être intéressants, ce genre de choses. Ok. Bah écoutez, qui prend la parole? Je vous laisse. Vous précipitez pas tout. Ouais, donc moi j'ai dit que je travaillais pendant que vous parlez, donc vous êtes obligé de commencer parce que sinon je peux pas. Alors. Donc, si on fait le récapitulatif. Donc, on a une porte vandalisée. Des bruits. La nuit. Comment dire. Mais personne, à part Chad qui remarque rien. Donc visiblement symbole, je sais pas trop, une déesse. Oh ça tu le sais pas. Ah pardon. Ça c'est Lynn qui le sait. Tu vois, elle l'a pas encore dit. T'as pas été communiqué tout ça? Non, elle a pas. Enfin, je pense pas qu'elle ait pris le temps pour l'instant. Du moins, elle l'a pas dit. Je l'ai pas entendu. Donc symbole d'une déesse Nintendo dans la chambre de la petite fille. Voilà. Je vais tout faire tout seul ou... Non mais dis-toi toi ce que t'as eu comme info en toi tout seul. En gros, t'es pas, tu fais pas le briefing de tout le monde. Le boss a vécu quelque chose visiblement, je sais pas quoi. C'est plutôt sérieux. Il veut pas en parler. La gosse semble avoir un espèce d'ami imaginaire. Qui... donc ami imaginaire qui est une grosse tache noire. Le frère aurait déjà entendu dans certaines soirées des bruits, c'est-à-dire vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui parlait avec sa sœur, alors que bon, est tout seul. De même, il a déjà entendu des espèces de bruits de pas, ce genre de choses. Et Moi, je prends la suite. Pour rajouter à ce que tu viens de dire, j'ai pas énormément de choses, moi, de mon côté, mais j'ai entendu des trucs chelous à l'étage déjà. Comme s'il y avait quelqu'un qui se déplaçait ou quelque chose comme ça. Je serais pas trop en dire plus parce que c'était vraiment juste une impression, mais comme t'en as parlé, je rajoute ça, même si j'y donne pas trop d'importance. C'était dans la salle de bain d'en haut, dont les fenêtres semblent être accessibles depuis l'extérieur en montant sur un petit truc de l'extérieur. Il y a un grenier. On a le plan, je crois que non. Non, il n'y a pas le grenier. Mais du coup, Morgane validera peut-être ma théorie, parce que j'ai pu entendre ces conversations, mais Morgane a pu discuter avec le père. Et j'ai quelques informations. Je te laisse, si tu veux, résumer un peu la conversation. J'ai pu discuter avec le père et j'ai découvert qu'il avait eu des soucis avec son ex-femme. Son ex-femme battait et plus ses enfants, et du coup, elle a eu de gros soucis personnels, et du coup, elle a fini dans un asile. Pour agrémenter, parce que j'ai pu, moi, chercher quelques informations supplémentaires, je sais qu'elle était lieutenant à Chicago PD, et c'est après la perte de son binôme sur une affaire visiblement d'enquête sur de la drogue, qu'elle aurait totalement pété un plomb, qu'elle aurait commencé ce genre de choses. Pour le symbole aussi, hein, j'ai trouvé quelques informations sur à quoi il pourrait être rattaché. Donc, une divinité grecque, du nom de qui porte plusieurs noms, ce serait divinité mineure, donc Kor, Kos, Yos, la reine des enfers. Il y a tout un rituel, etc. Je vous donne les détails sous peu. Rituel que la mère aurait pratiqué. C'est intéressant. Après, tu sais pas forcément si c'est ce rituel-là qu'elle a fait. Bien sûr, mais c'est des rituels. Par réduction. Mais. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas. Pour moi, la plus grosse théorie que je pense qu'il y a, c'était pour refaire du coup. Écho à ce qu'avait dit. De Nice, qui était tout simplement d'indiquer qu'il y avait peut-être une affaire de pédophilie, etc. Et peut-être que c'est plus proche que ça, c'est juste la mère qui a retrouvé contact avec ses enfants et qui pourrait s'immiscer ici de manière totalement fortuite. Illégale. Oui, bah c'est évidemment elle. C'est assez commun finalement, les parents séparés qui essayent de retrouver. Leur gosse. Ouais. Surtout les parents abusifs, obsessionnels, ce genre de choses. Et si je me fie à la logique, la seule phrase, quand on dit défraction, vient d'en haut. On est d'accord. Du coup, d'après ma théorie à moi, oui. Je sais pas si vous avez eu des phrases, mais. Bah, pareil, les bruits, ce genre de choses. J'imagine très facilement. Quelqu'un grappé, surtout, sans vouloir faire de généralité. Je sais pas si tu peux trouver la corpulence de cette femme dans les fichiers de police, peut-être. Bah, déjà, je pense qu'on peut essayer de retrouver cette femme. Oui, mais c'est certainement, oui, c'est sûr. Elle a peut-être une page Facebook ou ce genre de choses. Enfin, mais en soi, je n'ai pas été fouillé complètement dans les fichiers de la police, c'est un peu la solution de dernier secours vu que je n'y ai pas l'autorisation. Mais si on a assez d'éléments à interroger dans ces documents, ça peut être intéressant d'aller voir ces fichiers. Surtout qu'en enquêtant, moi personnellement, j'ai remarqué qu'il y a une grosse part d'ombre dans toutes les informations qu'on trouve. Hein. Ça reste. C'est jamais direct dans les informations. C'est toujours un peu flou, un peu vague. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est le manque de traces visibles d'effraction. C'est-à-dire qu'on a que sur des déductions, on a des bruits, on a des bons. Ben oui, mais si c'est la mère qui revient vers ses enfants et qu'elle surtout va voir la gamine, tu comprends que de faire en sorte que qu'elle puisse t'ouvrir la nuit semble beaucoup plus probable que n'importe quelle autre explication. Après, ouais. La gamine, surtout, à mon avis, était, si vu les dates des événements, était beaucoup trop petite peut-être pour être marquée par ce qu'a fait sa mère. Clairement. Elle pourrait avoir aucune peur, contrairement à Chad, de sa mère, et du coup, pourrait simplement se dire cool, il y a ma mère qui vient me voir, quoi. Et du coup, elle lui ouvre la nuit, la mère rentre, et ça explique certains bruits, certaines choses comme ça. Peut-être même qu'en fait, elle vit dans la maison et qu'il faut fouiller de fond en comble. Mais c'est pour ça que j'ai très peur du grenier. J'ai déjà travaillé sur des affaires similaires et... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. C'est mais là. Après, il n'y a pas de cave non plus. En Floride, il n'y a pas de cave. Il y a peut-être juste une sorte de pièce. C'est souvent fréquent, des pièces qui sont fermées, mais qu'on ne peut pas y accéder au genre au grenier. Ouais, parce qu'à cause de murs, ou même, tu vois, genre entre les murs de manière extrême. Voilà. Ça dépend de l'épaisseur des murs. Ça prouve qu'elle a trouvé un endroit où ça n'a pas été complètement fini, vu que ça a été construit genre, sur mesure. Donc, sous l'escalier ou les trucs comme ça. Donc, en vrai, il y a enquêté, je pense. On n'a pas assez d'infos sur ce coup pour commencer à défoncer les murs, je pense. Non, oui, bien entendu, c'était pas genre la première chose à faire. Je pouvais pas rentrer. Oui. Vous avez vu. Avec un petit maillet. En première chose à faire, je pense que ce qui est évident, c'est réinterroger la petite. Oui. Enfin, réinterroger. Ouais. Il faudra éviter de poser des questions directes. Et peut-être essayer de trouver des infos sur la mer, parce que normalement, elle est censée toujours vivre à Chicago. Mais bon, des fois entre les informations et la réalité. On est dans quelle déjà ? Pardon ? On est dans quelle ville déjà ? Tu es à Tampa, en Floride. Et. Ah oui, on n'est pas à côté. Y a à peu près entre Chicago et là où vous êtes, c'est plus de 2000 km. Juste. Ah oui, putain. Plus de. Si c'est pas plus de 3000. Est-ce que je sais. Excuse-moi, je pose juste une petite question et après, de toute façon. Mm-hmm. Mais c'est juste pour savoir. En cherchant, mais du coup, est-ce que normalement, elle devrait être encore suivie aujourd'hui, non ? Genre, elle pourrait pas faire 2000 km et disparaître sans que ça inquiète personne ? Ou au contraire, elle a l'air de vivre une vie. Ben là, de ce que tu en as trouvé, a priori, le... Enfin, limite, c'est une ombre, presque, tu vois. Enfin, en gros, elle a fait. T'as trouvé ce que t'avais à trouver, il y a eu quelque chose, mais derrière, toute sa vie, tout ce qui s'est passé derrière, c'est. Pouf, quoi, tu vois. Ok. Voilà, après, voilà, vous, ce que vous avez. Ce que vous savez aujourd'hui sur elle, c'est qu'elle vit à Chicago. Et oui, mais... qu'elle. Voilà. Je veux dire, si j'achète une maison aujourd'hui à Chicago, on dirait que je vis à Chicago, même si je reste ici pendant des mois. Oui, mais vous avez déjà une trace d'elle à Chicago. Ça, vous avez. On va pas faire 2000 km, je pense. Et justement, on a peut-être des contacts à Chicago. Juste, je vais y penser. Ouais. Mais, alors, je sais pas comment ça marche. Et du coup, tu peux pas te connecter au FBI, c'est bien ça? Je ne peux pas légalement m'y connecter. Mais je pense avoir les connaissances pour y aller sans les autorisations. Et si jamais, je suis sur ma carte, tu essayes avec ça. Bon, c'est pas je sais pas si c'est très légal, mais. C'est actuel, j'ai FBI en fait. Non. Et je connais pas ton poste au FBI, je sais pas quelle information tu peux avoir, mais en tout cas, tu peux être déjà une porte d'entrée. Non, mais écoute, je suis pas encore connecté parce que j'ai pas compris. Mais de toute façon, j'ai tout imprimé, j'en ai rien à foutre. Écoute, on est sur une enquête, je pense que ça va au-delà de. Je suis pas un agent secret. J'en ai rien à foutre, franchement. Je sais pas quelles conséquences ça pourrait avoir, mais techniquement. Je pense que ça devrait passer. Bah, techniquement, si t'es juste un agent de FBI, t'as le droit quand même de regarder les fichiers de FBI. Et c'est juste que normalement, selon ton niveau, t'auras des accréditations pour aller sur tel ou tel truc. Mais déjà, au moins, on peut rentrer sans. C'est surtout sans que, étant agent du FBI, tu as ton boulot déjà à faire d'agent du FBI. et que si tu viens à creuser sur d'autres affaires et des trucs où t'es pas censé être normalement dessus, ça pourrait dire mais qu'est-ce que tu pourquoi tu cherches ça, c'est quoi, c'était pas sur ça en ce moment. Ça là-dessus j'aimais quand même une petite parenthèse, c'est que genre t'as juste à dire bah ouais mais en fait cette affaire là a un rapport avec la mienne. Et attends, c'est vrai, fait, ah bah ok. Oui, puis je veux dire, en quoi c'est venir consulter le casier judiciaire de quelqu'un. Je pense pas que ce soit très. Tu sais, parce que moi, tout ce que je veux avoir, c'est genre les informations, genre poids, taille, genre ça. Et je pense pas que genre. Ah, mais pourquoi t'as consulté ce casier Comme dit, genre, ça dépend. Quand je vois, genre, si elle serait dans un truc genre hyper sécurisé, parce que là, bon, bah, de toute façon, on va essayer, ils vont dire, bah non, t'as pas le droit, et on va se faire niquer. Mais si elle est pas dans un truc sécurisé, normalement, il peut quand même avoir le droit de chercher des informations. Mmh. D'accord. C'est juste. Ah ouais. Parce que en fait. Savoir c'est genre le possible. Ouais ouais. Non mais ouais, c'est ça, ouais, mais ouais, je vous écoute. Vu que apparemment les brises n'est du recherche. En fait ma petite c'est que je pense qu'elle est escaladée. Ça pourrait être possible hein, et vu qu'on peut pas vraiment inspecter. Après enfin, je rappelle que c'est une agente du CPD, elle a reçu un entraînement. Après Kenny a vérifié la salle de bain. A vérifié les fenêtres de la salle de bain. Et j'ai remarqué que les fenêtres étaient en parfait état et que c'était quasiment impossible. Et que c'était impossible de rentrer à l'intérieur, de l'extérieur, sans casser quoi que ce soit. Voilà. C'est que alors, de l'intérieur. Que de l'intérieur que tu peux ouvrir. Et là, du coup, ça va pas en contradiction avec ma théorie qui dit que. Oui, après, voilà, mais après, je veux dire, c'est que à part que quelqu'un ouvre la fenêtre, si elle veut rentrer, il faut qu'elle casse. Voilà. C'est tout. Oui, mais pour moi, c'est plus une complicité pour l'instant qu'il y a avec quelqu'un d'intérieur de la maison et sûrement la gamine que elle qui arrive comme ça. Parce que... Non, c'est le père. Vas-y, rentre. Depuis le début. après, je vais juste essayer de voir si je peux rentrer en fait sur les fichiers qui la concernent avec son page. Et si tu me dis c'est bloqué. Juste essayer. Dis-moi simplement ce que tu veux savoir. Mais tu recherches. Pour l'instant, c'est juste les informations de base, genre le casier. C'est l'identité de la personne, tu sais, vraiment le truc de base. Le truc de base, de toute façon, quasiment, tu l'as, tu sais, parce qu'en croisant... Vois, genre, en version policier ou c'est genre, bien... Quoi, Eh ben, attends. Alors, quand tu essayes de te connecter, alors tu essayes avec quoi? Avec la vraie identité de Denis ou avec sa fausse. Pour le coup, il est la vraie parce qu'il est vraiment agent du FBI. Quand tu essayes de chercher des infos, ce qui se passe, c'est que tu n'y arrives pas. Mm-hmm. Tout simplement parce que tu te rends compte que les informations sont littéralement bloquées. Ok, c'est bien. Par le département de la police et que le FBI ne peut pas accéder à ces informations. Ouais. Littéralement, comme ça rejoint un peu cette impression d'ombre par rapport à ça, et que limite si tu creuses plus, si tu vas chercher plus, tu sens que ça va commencer à faire titiller les Donc instances là, de la police et qui vont commencer un peu à redescendre. Tu vois. On est dans le cas où le FBI est, on n'est pas en accord commun avec la police locale, donc c'est très sympa ça. Du coup, je préviens nos amis hein, qu'on est dans un cas. On n'est pas dans la merde. Ah putain, mais on n'est pas dans les experts, fais chier. Et pourtant. Après, il faut savoir que en temps normal, le FBI et la police collaborent, mais t'as toujours des petites guéguerres aussi Bien entre sûr. Eux, voilà, qui font que sur certains dossiers sensibles et surtout des agents de la police ou des agents du FBI. Ils évitent de faire en sorte que les informations soient données s'il y a quelque chose de sensible sur l'agent. Dites-moi si je me trompe, mais autant on a un agent du FBI. Mais n'a-t-on pas un agent du justement policier avec nous? Mais attention, il est du LAPD, pas de Chicago. Ouais, Moi je suis de ouais, LA, mais je suis pas de... Est-ce que tu peux pas faire une demande officielle, juste de, tu vois, de police mais... voilà, mais... Je suis de la police de Los Angeles, j'aimerais avoir des informations sur un gars de Chicago. Mais tu oui, demandes oui. En, oui, oui, en vrai, mais... Non mais on est dans un monde où on demande, tu vois, on est encore dans le légal, hein. Donc au pire le mec dit juste non. Tu vois, on n'est pas encore dans le cas où ouais, c'est grave. Non, il y a pas de souci, il y a pas de souci, tu peux y aller. Sinon, après s'ils disent bah non, franchement t'es pas du bon département, t'as rien à foutre là. Bon bah ils disent non, mais ils peuvent faire une demande. Écoute, est-ce que Kenny, tu veux essayer de faire une et requête ça, et ça peut être intéressant de voir leur réaction, pour voir si en donnant le nom ils fassent. Alors tu fais ça comment? Tu les appelles directement? Tu t'appelles ouais. Le département de Chicago? Ouais, je vais les appeler directement. Et s'ils m'envoient des chasseurs de primes pour me flinguer, c'est ta faute. Et donc tu te présentes donc sous ta vraie identité, donc Kenny. Oui, et bien sûr, si on te demande pourquoi, tu dis pas parce que c'est pour cette enquête. Enfin, tu dis pas. On est pour Delta Kenny Kenes. Ok, donc du coup, ben vas-y, hein, je te laisse appeler le Chicago PD. Eh ben, tu trouves une excuse. Attends, tu m'as expliqué ton forfait. Chicago PD, bonjour. Que puis-je pour vous? Oui, bonjour. Kenny Kenneth de la LAPD à l'appareil. Oui. Je me demandais s'il serait possible, en lien avec une enquête sur laquelle je suis en ce moment, d'avoir accès à certains de vos dossiers. Notamment ceux sur une certaine Garrison. Sarah. Attendez un instant. Tu sens qu'il te met en attente, dans la petite musique d'attente classique. T'attends bien 5-6 minutes facile. Du coup, la personne reprend l'appel. Écoutez, je vais vous passer mon supérieur. Et c'est lui qui va voir avec vous. Donc tu vois qu'elle transfère l'appel. Et donc, oui, bonjour. Que voulez-vous savoir exactement sur Sarah Garrison? En quoi ça peut vous aider? Bonjour, j'aimerais avoir accès à son dossier, simplement déjà son identification en tant que personne. Comment on pourrait la repérer si elle était dans les parages? Et aussi de savoir par exemple où. Si elle est toujours à Chicago actuellement. Pour des choses. Écoutez, je peux pas vraiment communiquer sur son dossier. Si vous voulez avoir plus d'informations, il faudrait vraiment passer par votre hiérarchie. C'est un dossier assez sensible et nous ne voulons pas distiller des informations comme ça. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, elle est toujours sur Chicago. Demande s'il y a des preuves, genre si elle a des rendez-vous sur les choses. D'accord, très bien. On est vraiment sûr qu'elle est bel et bien sur Chicago. Il y a par exemple des traces. Écoutez, comme je peux pas en dire plus. Maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a du mouvement sur Chicago. Oui, récent. Alors, d'accord. Après, je peux pas en dire plus. Désolé. Je sais qu'en contre-confrère, voilà, j'apprécie beaucoup le LAPD. J'ai moi-même des amis qui travaillent là, qui étaient de Chicago d'ailleurs. Si vous les croisez, John Lanford. Un ami très proche qui doit être chez vous maintenant, mais je ne peux rien dire de plus. Après, ça vient au-dessus de moi. C'est même pas moi, ça vient du département juridique de chez nous. C'est un d'accord, dossier très sensible. Vous devez savoir ça, vous n'aimez pas trop partager ce genre de ce truc. Donc, moi, ce que je peux vous dire entre collègues, c'est qu'elle est sur Chicago. Oui. Ok, très bien. Bon, bah, si c'est le maximum que vous pouvez me donner, je vous remercie. Je saluerai vos potes à la station. Ça marche. Au poste. Et excusez-moi pour le fermer là. Au revoir. Au revoir. Moi, je suis pour qu'il fasse toutes les autres conversations. Donc, on voit la famille, on regarde. Voilà, donc non, mais... raccroche. Okay. Il y a du refus. Donc, ouais, clairement, on est dans une zone d'ombre où ils veulent pas communiquer. Au moins, on a tenté de façon légale et ils ont apparemment des preuves qu'il y a du mouvement venant d'elle là-bas. Ce qui remet beaucoup en question, du coup, cette hypothèse qui semblait franchement la plus probable, hein, rasoir d'Occam, tout ça. Pour l'instant, c'était celle-là qui soulevait la moins d'autres hypothèses. Faut voir, du coup, on a plein. Est-ce que d'autres personnes, du coup, ont des idées sur ce que ça pourrait être, surtout par rapport au bruit à l'intérieur, etc. Ok, on est dans la merde. Après, juste pour pas vous bloquer complètement, et ça c'est hors RP, hein. C'est une voix divine qui nous parle. Voilà, c'est là-haut. Il y a rien qui vous interdit de vous déplacer. Oh. Y a rien qui vous empêche de vous déplacer. Ouais, mais. C'est la seule chose que je peux vous dire. Oui, non, mais c'est déjà très gentil. Et du coup, réfléchissons, par hasard, est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir un autre lieu qui pourrait être intéressant pour l'enquête, sachant que Chicago, c'est loin, 2000 km, on va en avoir pour très longtemps. Peut-être, c'est pas très... Avant d'aller vers Chicago, peut-être faire un tour encore plus, c'est-à-dire, genre plus vers le collège, les... Ouais, je pensais aussi. Traîner un petit peu dans les endroits un peu louches. Moi, j'aurais dit carrément aller voir le commissariat local. Oui, aussi. Attends, mais pas. Je sais pas trop pour le commissariat local. C'est vrai, en vrai, le truc le plus efficace qu'on pourrait faire pour exclure définitivement l'hypothèse de la mer, c'est d'avoir à Chicago. Oui. Le seul problème, moi, en fait, que ça me pose un peu, c'est qu'en soi, du coup, on part pour 2000 km, on fait pas ça en 3 heures, quoi. Après, vous pouvez très bien. Y a rien qui vous oblige à partir tous les 4. C'est très bien des gens qui peuvent rester là et d'autres qui vont à Chicago. Ouais. Ouais, mais c'est. Au moins, vous avez du monde sur place dans les deux. 2000 km en honnêtement, voiture. T'en as pour. Bah, tu peux prendre l'avion, y a rien qui t'oblige à aller en voiture. Hein. C'est vrai qu'on. Bah oui, on n'est pas dans les années 20. Hein. Putain, l'avion. Mais oui. Honnêtement, les gars. Attends. Écoutons notre agent Kemao. Il y a un moyen d'être défrayé en avion par nos. Mais on s'en fout de l'argent. De toute façon, on s'en fout. Il a dit qu'il défrayait tout. On s'en fout de l'oseille. Honnêtement, ont dit on défraie tout. Bah, allez-y. Vous prenez pas la tête avec l'argent. Bah, écoute, mais on prend tout. Mais attends, Kenny veut dire quelque chose. On va prendre une Tesla. Oui, voilà. Écoutons l'agent Kenny. Kenny veut dire quelque chose. Il y a pas besoin de se séparer parce que a priori ils ont ces problèmes depuis un moment déjà. Ouais, et ils sont toujours pas morts, hein ? Pourquoi ils seraient morts demain ? Ouais, mais justement, ils sont toujours pas morts, mais ça pourrait arriver. Ouais, mais attends, c'est parce que par pur hasard, sur un des ordinateurs qui a été piraté, que du coup je peux contrôler grâce au programme qui est sur mon PC, est-ce que l'un d'entre eux aurait pas une webcam intégrée ? Voir tous. Autour d'eux. Ou alors, genre, tout simplement, est-ce que tu peux voir s'il n'y a pas des messages qui ont été émis ou reçus? Oui, ça j'ai déjà demandé que quand on parlait... Mais tu veux servir à quoi, la webcam, en fait? Pour quoi faire? Surveillance. Ah, tu veux la surveillance? En fait, c'est juste pour que quand on part, avoir, tu sais, la webcam sur mon PC, et pouvoir, en fait, être sûr qu'il se passe pas des trucs... En gros, s'il se passe quelque chose, vous faites comment? Vous faites... J'appelle la police. Non, j'appelle la police. Enfin, on a un agent de la police, mais bon, il y a de fortes chances qu'il y ait un problème dans cette maison. Vu que c'est un collègue, il risque pas de faire oh bah non, écoutez monsieur. Oui, okay. Mais puis si il faut, je place un petit fermé là et ça passe. Hein. Exactement, le fermé là ça marche. Voilà. Non, mais c'est juste de la surveillance, c'est de la prévention. Après la réaction, de toute façon, bah, il faut réagir. On verra sur le moment s'il y a un truc. Normalement, de toute façon, là où je trouve que Kenny a raison, c'est que en fait, ça fait quand même longtemps et apparemment il se passe rien d'immédiat. Donc normalement c'est que de la prévention et il n'y a pas besoin d'être armé et prêt à intervenir quoi. Donc on peut se permettre, on va à Chicago en avion, moi je garde le PC et s'il y a une webcam ou deux qui est allumée, bah, ça me permet de juste vérifier s'il y a une intrusion. Comme vous voulez. Ah mais du coup je veux juste savoir s'il y a des webcams sur les 10 PC. Tu as une webcam dans la chambre de Chad, pas dans la chambre des parents. Mmh. C'est la seule chambre où tu peux avoir une webcam. Et dans la chambre de Catherine, il n'y en a pas puisqu'elle est trop jeune. Je te déconseille de regarder, de pirater la web. Attends, il faut que je trouve un truc. Donc, ils n'ont pas de webcam sur le truc. Il n'y a pas un périphérique USB type micro dans la chambre de Chad, parce que lui il fait beaucoup de jeux, de machin, donc, mais ouais, tout est dans la chambre de Chad et les parents. Les parents, tu peux aller à la limite avoir un micro si tu veux. Ah, ça c'est intéressant. Ça permet d'avoir un petit retour vocal. Écouter peut-être une conversation ou deux pendant que je suis dans l'avion. Ouais, bah du coup, c'est ce que je vais faire. Genre, je vais activer le micro, je récupère le canal et pour Chad, je fais. Donc là, vous y allez tous ensemble. Je pense, à part si vous voyez d'autres choses à faire en même temps. Ah, Marc, il a pas l'air chaud là. Je serais plus pour nous séparer perso. Mais ouais. J'hésite. Ça, c'est l'instinct du militaire. Ça. C'est ça. Denis, il a pas parlé. Oui. Je suis pas pour laisser la famille tout seul, sachant qu'il y a potentiellement une femme dingue. Après tu peux laisser un militaire tout seul. Lui, il est militaire. Il peut se débarrasser. Ah, j'ai des hommes sous ma responsabilité. Allô. De quoi? Oui, Denis. On peut laisser des mecs en planque. Bah, attends, il y a Denis qui veut parler. On va le laisser parler. Non, excusez-moi. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. C'est bon, j'ai eu un petit lag, désolé. Non, à savoir que toi, que penses-tu de la situation? Est-ce que tu penses qu'il faut tous aller à Chicago ou laisser des agents sur place au cas où? Bah, moi, je serais plus pour être avec vous. Moi, je voyais plus, genre, à la limite, on sépare en deux groupes, quoi. Donc, faire deux agents. Ou un agent ici qui reste là. Bon, du coup, peut-être pas le commissariat, vu qu'on n'est pas vraiment en train d'enquêter officiellement. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres trucs à aller voir. J'ai envie de dire, c'est 4-3 heures de vol, quoi. C'est pas non plus. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe, bon. Il y a 5 heures de décalage. Je pense que ce serait mieux de se séparer, effectivement. Écoutez, c'est à vous de voir, maintenant je vais pas choisir pour vous. Donc, à la limite, ceux qui veulent aller à Chicago, ils y vont. Ceux qui veulent rester là, ils restent là. Comme ça, c'est moi, simple. Je veux la voir de mes yeux. Tu veux aller voir Evelyn? Mais point. Tu veux aller voir Sarah. Sarah, ok. Donc, du coup, Lynn ira à Chicago avec. Moi, du coup. Avec Denis? Oui. Et moi, ce que je vais faire, c'est je vais juste donner le numéro de portable que j'ai aux parents. Et je vais pas non plus rester tout le temps à les surveiller pour pas qu'ils se sentent. T'inquiète, il y a une autre surveillance. Mais j'ai plutôt traîné un petit peu dans les quartiers un petit peu louches pour voir s'il y a pas des ragots qui se racontent. Après, ce que vous avez comme matos, puisque Lynn l'a demandé au tout début, après, c'est que vous avez des caméras de surveillance dans le véhicule. Si vous voulez, vous pouvez les installer dans la maison. Mais seulement demander l'autorisation à la famille pour protection, pour machin, tu vois. À la limite, en mettant. Ou alors les mettez en sneaky, c'est comme vous voulez. Ouais, mais c'est vrai. Nous n'avons pas d'air. Non, c'est ça, en fait, le fait de demander, ça peut peut-être niquer le truc. Imagine, genre, il y a vraiment une coopération entre deux personnes, une personne extérieure, une personne intérieure. C'est à ça qu'elle avait filmé, elle prendra pas de risque. D'accord. Mais le truc, c'est que placer des caméras en sneaky, c'est super dur. Parce que t'en rentres grimper à un truc, t'es là, et puis genre, vous faites quoi? Pour rien. Tu peux demander à Kelly, c'est une ombre. Depuis qu'il est là, il a tout fait. Je sais pas. Dans tous les cas, moi j'ai le minimum de sécurité. C'est vrai qu'en vrai, si on peut au moins surveiller la gamine, ça serait peut-être le truc le plus idéal du monde. Parce que moi j'ai Chad, mais je pense que Chad aura pas grand chose. Les parents, j'ai la conversation, je pense que ça va être intéressant parce qu'entre eux ils peuvent peut-être parler de choses intéressantes. Vu que là en plus, avec les conversations, on les a un peu peut-être renouvelé des des trucs passés qui, auxquels ils ne discutent pas habituellement. Mais donc du coup, en vrai, pour moi, le seul truc vraiment le plus important, ça doit être la chambre de la gamine, celle de bain. Après, vous gérez ça, de toute façon, moi, avec mon PC, je peux suivre ça de loin, et vous aussi, parce que je suis... Il n'y avait qu'un seul ordinateur portable dans le... Il n'y en a qu'un. Après, vous pouvez faire en sorte d'en avoir un deuxième. Hein. Je vous empêche pas de... Ouais. De récupérer un deuxième. Hein. Ouais, bah on en récupère un deuxième, comme ça, moi, je peux partir avec le mien, et je peux suivre les trucs, et eux peuvent les suivre aussi à l'intérieur, en cas de problème. D'accord. Comme ça, on a les mêmes informations. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous partez, donc toi, Lynn et Denis, à Chicago. Bon, il est 18h30, 19h, donc en gros, il y a encore des vols. Étant donné que vous êtes agent du FBI, vous pouvez faire largement marcher vos accréditations en tant qu'agent pour avoir un vol tout de suite pour Chicago. Bon, après, voilà, à Chicago, il y a beaucoup de départs. Hein. Vous êtes à Tampa, en Floride. Donc, vous pouvez partir pour Chicago. Donc là, je vais faire en sorte que... Là, on va passer dans le moment un peu... ça va enlever dans tous les sens. Je vais séparer les deux groupes, littéralement. Comme ça, vous serez en plein dans l'immersion, chacun de votre côté. Sans savoir ce qui se passe vraiment de l'autre. À part si vous communiquez par téléphone ou autre. Donc ce que je vais faire, je vais m'occuper d'abord du groupe de Marc et de Kenny. Donc je vais demander à Lynn et à Denis de couper les casques. Denis, tu peux couper ton casque. Oh, pardon. Il voulait faire semblant. Ah, c'est pas le micro qui... Voilà. du coup, vous voyez vos collègues partir et donc ils partent avec le van ou non parce que ouais enfin on va dire que ils arrivent à partir avec un taxi, ils vont d'accord. Récupérer okay. De quoi faire le taxi au scénario, oui ouais oui, parce que ils vous laissent le van donc vous êtes là tous les deux. Qu'est-ce que vous faites du coup ? En sachant que vous avez le matos dans la bagnole, Lynn vous a conseillé sur l'installation du matos pour les caméras si vous voulez en mettre. Voilà. Moi j'ai dit que je donnais justement le numéro de parents et que je venais un petit peu dans les bas-fonds pour écouter ce qui se dit un petit peu partout, même si ça peut ne pas être du tout lié. Alors, comment vous allez jouer le coup sur les caméras de surveillance si vous voulez les mettre? De façon, est-ce que vous les mettez de façon sneaky ou vous demandez l'autorisation tout simplement? Sneaky. Alors, déjà, on va pas demander l'autorisation. Oh. Et je vais m'en occuper moi, de mon côté. C'est ce qu'on joue maintenant là tout de suite. Exactement, là vous êtes okay, là, vous êtes tous les deux, et la famille est dans la maison, vous êtes dans votre véhicule et vous vous apprêtez à faire ce que vous avez à faire. D'accord. Bah, tout simplement, je vais aller ressonner chez la famille vite fait. Même s'il y a mon collègue qui a dit oh on va vous laisser un petit moment. Non mais en gros quand il les a laissés c'était quoi 15-20 minutes tu vois, donc en gros c'est ce que vous avez passé là, donc là c'est dedans. Okay. D'ailleurs ben, quand tu ouvres la porte tu dis, on vous a préparé de quoi manger un petit peu. Ils sont où vos collègues? Ils ont été faire un tour, récupérer quelques informations, vérifier des choses, vous inquiétez pas. D'accord, ok, non mais y a pas de soucis. Et merci pour ce que vous avez préparé. Ah oh bah de rien, c'est normal. Hein. On va sûrement vous laisser tranquille un petit moment. On va vérifier un peu plus loin. On va élargir le périmètre hors de la maison. Mais j'aimerais avoir une dernière fois accès à la maison, en particulier la chambre de la petite. D'accord. Si possible. Bien sûr. Bah écoutez, nous on va manger sous peu, donc si vous voulez manger, n'hésitez pas, on se retrouve dans le salon. Tu vois que il y a Catherine qui sort de sa chambre, qui commence à descendre pour aller dans le salon. Chad, bon lui il est un peu collé au PC, Evelyne qui gueule, allez Chad, dépêche-toi on va manger là, ça suffit maintenant. Ouais, c'est bon, j'arrive. Donc il descend. Et donc voilà, te dit ouais, quand vous avez fini, bah descendez manger un petit bout. Avec plaisir. Merci. Okay. Et donc je vais monter et je vais mettre en priorité une caméra dans la chambre de la petite. Il n'y a pas forcément besoin de les fixer au plafond, non ? Je peux les poser quelque part et ça marche. Oui, oui, après c'est des caméras qui sont assez discrètes. Après, si juste toi t'essayes de trouver un endroit qui est. Ouais, je ne veux pas t'embêter avec un jet là-dessus. Enfin, je ne veux pas faire de jet. Genre, tu vas réussir à bien te cacher, que ce soit pas forcément vu. C'est ça. Après, tu orientes. Tu l'orientes plus dans quelle direction, du coup ? Plus vers. Qui filme la porte ou qui filme le lit, tu quoi? Alors le lit, je vais le lit en priorité, ouais, je pense le lit en priorité. Okay. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura forcément une activité dans le lit à un moment ou à un autre. D'accord. Donc le lit en priorité. Ouais. Et si possible, j'aimerais essayer d'aller faire la même chose dans la salle de bain. Ouais. En regardant vers les fenêtres. Vers les fenêtres. Donc en gros, une vue assez panoramique de comme si t'étais de la porte et tu balayais la pièce comme ça quoi. C'est ça. Ok. Ça c'est mes priorités. Ok, bah tu le fais. Franchement tu le fais. Ouais. Pas de soucis. Et le faire en bas risque d'être assez difficile vu qu'ils sont en bas, donc je sais pas si je le tente. Do it. En sachant attends, que le salon, si tu regarde bien le plan. Ah ouais. C'est une maison américaine, hein. Tu vois, c'est très ouvert, ouais. Donc. Ouais, en bas, ça risque d'être chaud quand même, ces conneries. Ouais, peut-être une vue vers les escaliers. Quoi, de l'escalier en plongeant ou en remontant? En plongeant, je pense. Parce qu'en remontant, ça risque d'être chaud en remontant. Ok. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. D'accord. Bah écoute, tu fais sans problème. Pendant ce temps-là, Marc, tu fais quoi toi? Bah moi justement, je vais me balader un petit peu dans les. C'est un petit peu chaud de cette ville, s'il y en a. Essayer de voir où sont les spots des potentiels fouteurs de merde, entre guillemets. Les endroits un petit peu cachés. Ah, toi, tu te balades dans la ville de Tampa, genre dans les coins un peu, voilà. Ouais. Ouais. Écoute, tu... J'ai passé ma soirée à faire ça. Ouais, bah après, franchement, bon, je te le fais maintenant, parce que comme ça, c'est fait, mais tu vas voir que oui, il y a des lieux un peu, bah, comme dans toutes les villes, hein, un peu à Crenios, mais c'est plus de la... La petite racaille du coin, tu vois, qui ça représente pas grand chose. Tu vas trouver un peu un quartier un peu rock, un peu heavy, tu vois, un peu métalleux, mais c'est pas non plus des gothiques purs et durs qui sont dans le. Après, franchement, il y a rien qui te saute aux yeux plus que ça, quoi. C'est une ville comme il y en a plein d'autres. Même pas de petits transferts d'argent. Transferts d'argent. Ah, c'est douté. Non, je sais pas. Comment ça, les transferts d'argent? Genre tout ce qui est histoire de drogue, tout ça. Oui, bah ça, oui, il y en a. Genre après, comme beaucoup dans la ville, mais c'est pas non plus. T'es pas en Colombie, quoi. Genre, c'est du deal de. T'as un peu de. C'est de le curé de shit, qui a filé sa dope. Okay. Ouais, voilà, quoi. C'est un truc shit, un peu de coke. Plus que ça, c'est plus les jeunes, tu vois. En plus. Ah, ok. Voilà. Donc, du coup, sur ce. Bah, je rentre pour le dîner. Au bout d'un moment, voilà. Tu retrouves Kenny qui a fini un peu son truc, qui est attablé justement avec la famille en train de manger. Bon, c'est un moment un peu plus souple, tu vois. Tu sens que là c'est le repas familial, on essaie quand même de penser un peu à autre chose. Tu sens que Chad et Catherine sont bien. Ils se sentent pas mal. Bon, Evelyne elle est rassurée parce que vous êtes là, donc je pense qu'elle est quand même plus à l'aise. Et Timothy, oui, franchement il n'y a pas de problème. Donc vous mangez voilà. Donc là je vais tout le monde découper les casques et je vais repasser à l'autre groupe. Salut les gens. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc vous avez pris le minimum de matos parce que vous avez laissé le véhicule aux autres pour qu'ils puissent installer et tout ça et un peu se poser en cas de besoin. Vous avez récupéré un taxi et vous êtes parti à l'aéroport de Tampa pour récupérer un vol pour Chicago. Le vol, donc en gros, quand vous êtes parti, le temps d'aller donc à l'aéroport, le temps d'avoir l'avion plus le vol, pour vous, il va être quasiment 21h. Quasiment 21h, vous arrivez déjà de nuit à Chicago. Le temps que vous trouviez, est-ce que vous cherchiez quoi, un petit hôtel, j'imagine, pour vous poser quand même? Par si vous voulez dormir dans la rue. Oui. Ah. Après l'hôtel. Bah, tu veux faire ça après? Du max de recherche, hein. Non, c'est juste on y va et on prend, tu vois, le premier truc sur. Tu vois, on va pas chercher l'hôtel 4 étoiles avec. Oui, voilà, genre le coin du l'hôtel du coin, voilà. On se prend pas la tête. Hein. Enfin, peut-être pas du coin quand on sort de l'aéroport parce que c'est là où ça coûte super cher. Mais. Enfin, oui, l'hôtel. Enfin, c'est un hôtel, voilà. Comment. Ouais, un puis Formule même, 1. On va juste à celui d'après, tu vois, il y a celui qui sort, ouais. Et nous on va à celui d'après. Ouais, mais c'est un hôtel bon marché. Voilà. Il y a le wifi, il y a tout ça, machin, la télé. Largement suffisant. Okay. Du coup, quand vous arrivez à l'hôtel, au départ, on vous prend pour un couple qui vient. Alors, on dira, disons, l'ancien, il va chercher les petites bénettes sympas, hein. Petite jeune. Non, mais c'est ça. Bah, t'as quel âge, Denis? Ouais, c'est la question que tu me poser. T'as quel âge, Denis? Longue histoire. Oui, pas si. Longue histoire. Non, mais je n'ai jamais compris pourquoi c'était pas poli de demander l'âge à une femme et que ça a été de demander à un homme, vous savez. Je suis d'accord. Ouais. Non, mais si vous que je dise tout, moi, quand il y a. Bon, je suis un vieux de la vieille, j'ai 48 ans. Ouais, c'est... D'accord. Quoi. Bah, voilà, alors c'est l'ancien qui se fait plaisir avec une petite jeune. C'est un peu l'image qu'on a. Après, vous cherchez pas forcément à vous justifier sur ça, vous en foutez, vous allez directement. Elle va les couilles. Voilà. Alors maintenant, la question, est-ce que vous partez tout de suite à chercher des informations et dans lequel cas vous couchez tard et donc là du coup perdre, parce que forcément comme vous allez vous coucher tard, vous allez perdre en j'ai pas envie de dire enfin c'est votre volonté, en gros vous allez être moins attentif par la suite parce que forcément quand on est fatigué on est moins, voilà quoi. Ou alors vous décidez de dormir et de s'occuper de ça demain matin, frais, prêt à... Propose un entre-deux. Ouais. On reste à l'hôtel, mais comme je travaille sur PC, j'en profite pour travailler jusqu'à un peu la nuit. Pas forcément passer la nuit complète et quand même jusqu'à reposer, quelle heure tu penses travailler, en gros, on va dire. De manière raisonnable, minuit, 1h du matin. Ok. Ouais, ça te laisse quand même du temps. Et ça te laisse reposer. Ok. Et ça et dont la piste principale, ça serait pour moi de trouver des traces d'elle à Chicago. Sachant que je sais qu'elle est très énigmatique, enfin fantomatique surtout. Donc je vais devoir chercher peut-être dans les endroits un peu plus illégaux pour essayer de voir où est-ce qu'elle pourrait traîner, donner des traces de vie, parce que visiblement ils en ont. Et pendant ce temps-là, soit Denis m'aide, soit il en profite pour se reposer totalement, comme ça on est un sur deux à fond, comme tu veux Denis. Tant d'étoiles que j'aurais. Hein. J'ai pas compris ce que t'as dit. Okay. Mais si tu. Les deux. Non, mais. Sans de gérer toute seule pendant que je me repose. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, genre, vu que c'est juste des recherches sur l'informatique, c'est mon métier. Tu vois, sur terrain, Du coup, tu vois l'ancien se déchausser, tu vois, en mode, voilà, je fais péter les chaussures par terre, je m'affale sur le lit, je mets la télé en route, regarder un bon vieux western comme il aime bien, tu vois. Et il s'endort au bout de 10 minutes. À la limite, un petit peu ronfleur sur les bords, mais pendant ce temps-là, toi, tu bosses. Limite, tu te mets ton petit casque sur les oreilles, une bonne musique sympa, comme t'aimes bien. Et allez, c'est parti, je me mets à chercher des informations sur Sarah Garrison. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas bosser jusqu'à minuit, 1h du matin. Ouais. Est-ce que tu vas réussir à trouver, non sans mal, parce que ça a été compliqué quand même, tu sens vraiment c'est très très compliqué, tu vas trouver une adresse. T'es pas sûr que... Une adresse, c'est pas sûr si ce serait toujours là, mais c'est une adresse que t'as trouvée. D'un habitant Ouais, d'un appartement. Qui est dans une résidence qui s'appelait Rose Hill. Rose Hill, la vallée des roses ou la colline des roses plutôt. Une espèce de résidence voilà qui serait au 2399 North Clark Street et appartement 311. Ça, je retiens. Voilà. Très bien. Bah, trouvons ça. Après, moi, je termine ma nuit. Voilà. Donc, après ça, vous êtes crevé. Toi, c'est pareil. Hein. T'as quand même une longue journée. T'as cherché pas mal. T'as les yeux qui picotent. Mais bon, tu te dis, t'as déjà une piste. Tu verras ça demain matin avec. Avec l'ancien qui pionce et qui ronfle juste à côté. Et du coup, eh bien, je vais retourner voir les autres. Je suis là. Donc, vous avez fini de manger. Les enfants sont partis se coucher. Il est sur les environs de 21h30. Vous voyez que les parents vous disent qu'ils vont se coucher. Il vous propose même à un moment donné, est-ce que vous voulez vous mettre dans... On a une chambre d'amis, si vous voulez, on peut rester dedans. Ça vous dérange pas de dormir ensemble, parce qu'il y a qu'un lit, donc. Il y a un lit dans le van. Bah c'est un van, quoi. C'est pas une voiture. Ouais, mais c'est un super van, attends. Ça ira. On va pas déranger le foyer plus que ça. On va vous laisser... À votre tranquillité. Ok. Non, d'accord. Après, je vous propose, si vous voulez pas, y a pas de souci. Oui, c'est très appréciable de votre part. Merci beaucoup. Vous retournez à votre véhicule et donc comment vous allez vous organiser pour cette nuit ? Est-ce que vous tournez ? Il y en a qui se reposent pendant qu'un ou alors vous faites une nuit blanche totale tous les deux, à savoir que demain vous serez mort. Alors, le roulement pour regarder les caméras de surveillance me paraît bonne idée. Bon, oui, c'est mieux à faire, j'imagine. Ok, alors qui commence ? C'est lui qui commence, moi je dors. Ah ouais, je commence. Ok, donc en gros, on va se dire de maintenant jusqu'à, je sais pas, 2-3 heures du matin, et après, l'autre prendra la suite. Ouais. Donc, tu, du coup, je vais te demander, Kenny, de couper ton casque. Oui. Kenny, tu peux couper ton casque, du coup. Tu vas dormir. Ah, ok. Donc, tu commences la nuit. Dans l'ensemble, tout se passe à peu près bien. Et puis, vers la fin de ton roulement, tu regardes un peu les caméras. Tu commences un peu à tourner de l'œil, tu vois. Tu commences vraiment à tomber de fatigue. Et pendant un instant, en fait, t'as l'impression de voir que dans la salle de bain, comme quelque chose de sombre, mais pas humain, tu vois, enfin pas une silhouette humaine, hein, quelque chose de sombre, informe, enfin c'est genre qui passe à l'écran. Ok, je... Alors tu vois, c'est très rapide, hein, ça va très vite. Ah, c'est très rapide, d'accord. Alors, quand tu regardes, t'es un peu genre... Tu frottes les yeux, tu vois, tu regardes, il n'y a plus rien. Et puis du coup, tu regardes un peu les autres écrans et... quand tu regardes dans la chambre de la petite, t'as l'impression que le La qualité de la caméra elle est dégueulasse, tu vois, ça frise un peu, ça c'est cracra, tu vois. Maudit matériel. Toi, limite, tu aurais presque envie de taper sur la caméra, mais clairement, tu voilà. Mais ce qui s'est passé dans la salle de bain, c'est un peu troublé quand même. Tu vois, tu sens ça marque, quoi. Ouais. Il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui est passé. C'était rapide. Mais c'était sombre. Quelque chose de sombre. Voilà. Je me resserre un café et je commence à réveiller l'autre. Ok. Kenny, j'ai besoin de toi. Ah, quoi? Qu'est-ce que quoi? T'es réveillé? Tiens, bois ce café. Est-ce que... Bois, il s'est passé quelque chose dans la salle de bain. Faut qu'on aille voir. J'ai vu une sorte d'ombre, je sais pas trop quoi. Et puis la caméra dans... Attends, ça a Camille coupé, désolé. Quelle caméra La caméra dans la chambre d'Agami, elle a coupé. C'est la qualité est dégueulasse. Oh, fais chier. Il faut qu'on y aille, du coup. Je te propose. Tu restes là. Tu veux que j'y aille. Désolé, je suis crevé. Ouais, bah, je vais y aller, va, vu que t'es crevé. Ouais, tiens. Autant que je sois frais. Prends, je sais pas, une arme ou quoi, ok. Mais cache-la. Ok. Bon, bah, je prends le flingue, je vais. Je sais pas si je vais toquer finalement, je vais défoncer la porte. Non, tu crochettes. Vas-y, crochette. Crochette? Attends, est-ce que je sais faire ça, moi? Est-ce que c'est dans... Est-ce que c'est dans les choses... Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est le genre de choses que j'ai l'habitude de faire, monsieur... la voix du CV? On peut faire, à la limite, si c'est possible. Honnêtement, je pense que tu fais pas, toi. Ah. Et moi, Et toi, Non plus. Mais de toute façon, la porte du garage est fermée, ils l'ont fermée. Oui, bah tout est fermé, ils vont pas laisser ouvert. C'est parce que bah, j'espère qu'ils vont faire un open door, enfin un open... J'aurais pensé que la porte du garage soit fermée, mais... derrière le garage, y a pas une porte au fond qui mène à la maison? Oui, mais c'est fermé quand même. Genre que quand toi, ta maison à toi, tu vas laisser toutes les portes ouvertes. Je vais leur faire remplacer une seconde porte. Hein. Ils ont déjà remplacé une. Vas-y, en faire. Et je vais juste défoncer la porte parce que si je toque, j'aurai pas le temps de choper quoi que ce soit qui est dedans. Ouais, vas-y, fonce. Alors, attends, toi, t'es quoi en puissance? Ouais, t'as aucun problème. Tu arrives devant la porte. Tu et là, tu t'entends, ça fait un bruit énorme. Et là, t'as limite. T'entends les parents qui. Bon, qu'est-ce qui se passe? Fonce la gamine! C'est ça, non, mais je cours vers la chambre de la gamine en gueulant FBI, bougez plus! Que personne ne bouge! Quand tu ouvres la porte. Tu vois la gamine, elle est sur son lit et commence à crier Enfin, pas crier, enfin, les muettes, mais elle commence à faire des mouvements, tu sais, de panique, limite presque, elle a envie de hurler, mais elle peut pas, tu vois. Et il y a rien dans la chambre. Ah! Il y a rien? Il y a rien du tout. Je cours à toute vitesse vers la salle. La caméra, elle est comment? Elle est toujours au même endroit, oui. Tu jettes un œil, elle est là, effectivement. La qualité, elle, ça va mieux ou... Ah, la qualité, elle, tu vois parfaite. Tu vois parfaitement Kenny rentrer dans la chambre et la fille qui fait. Je savais qu'il fallait mettre des soucis. En fait, bizarrement, tu as remarqué que. Tu as remarqué que c'est au moment où. Parce que tu suivais les écrans, que c'est au moment où Kenny a défoncé la porte. Que la caméra est devenue propre. Ah. Je dis dans l'oreillette, non, c'est bon. Non, mais là vous, Kenny voit le père et la mère arriver en courant. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez défoncé la porte? Mais ça va pas là. J'ai dit bougez plus, bordel FBI. Mais non, mais vous êtes fous. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Pourquoi vous avez fait ça? Je vais direct dans la salle de bain pour voir s'il y a quelque chose. Elle est complètement. Fermez là. Bah, tu vas dans la salle de bain et il y a absolument rien du tout dans la salle de bain. Putain de merde! Mais non, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous! Pourquoi vous êtes rejoins, je le rejoins pour essayer de calmer le jeu. Non, y a pas de soucis, tout est clair. Tu vois, la mère, elle est comme ça. Y a aucun problème, on gère, y a pas de soucis, on gère. Voilà. Viens, je. Non, mais expliquez-nous, pourquoi vous êtes rentré comme ça? Pourquoi vous avez avoir cassé la porte? Il y avait un danger, il y avait c'est une enquête fédérale, madame. Non, mais c'est pas une raison, vous pouvez pas rentrer chez les gens et c'est tout comme ça. Nous, on vous accueille avec plaisir. Expliquez-nous, on veut juste avoir des explications, c'est tout. J'ai cru voir une ombre dans la salle de bain et enfin. C'était totalement flou, c'était totalement barré. Mais comment vous faites pour voir des ombres dans la salle de bain, vous? Vous êtes dehors? Par la fenêtre, la fenêtre. Mais par la fenêtre, nous avons organisé des tours de garde. Écoutez, excusez-nous pour la porte, on va vous la repayer avec les fonds dont auxquels on a accès. Là, clairement, je suis désolé pour, vous sentez que vous aviez un bon niveau au début, mais là que c'est tombé très... Vous avez perdu en crédibilité par rapport à la famille. On souhaite... Ils comprennent que vous êtes là tout de même pour la famille, mais clairement maintenant vous savez que vous avez une marge de manœuvre qui est comme ça, tu vois, mais vraiment comme ça. On est vraiment désolé, mais je crois vraiment qu'il y a un souci dans votre maison. Et enfin, c'est pas contre vous. Ouais, mais... pour l'instant le souci c'est vous. Non, non. Le souci, c'est ce qu'il y a dans la maison, dans les murs. Donc là, je m'en fous s'ils me prennent pour un taré. Moi, ce que je veux qu'ils comprennent, c'est qu'il y a un réel souci. Bon, là, tu sens que Evelyne, la mère, est complètement à paniquée, tu vois. Déjà, elle est avec la fille Catherine qui a eu peur, littéralement. Chad qui s'est levé en mode qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi ma soeur, qu'est-ce que vous faites là, machin. Et là, tu dis à la mère que il y a quelque chose de potentiellement dangereux à l'intérieur de la maison qui pourrait justifier que quelqu'un rentre avec une arme à l'intérieur et tout. Donc, du coup, elle est paniquée. Maintenant, ils te disent bon, vous sortez. On va essayer de calmer un peu le truc. Tu vois, le père qui prend un peu les trucs. On va essayer de calmer tout ça. Ouais, demain, on en reparlera si vous voulez. Maintenant, ouais. Sachez que tu sens qu'il est. Tu vois, qu'il commence un peu à réfléchir sur lui. Clairement, c'est pas trop des méthodes standards. Tu vois, c'est pas trop des méthodes. Enfin, soit. Il vous fait sortir. Il ferme la porte comme il peut. Et vous retournez dans le truc. Voilà. Je vais passer aux autres potes. Ok. C'est le matin. Vous avez bien dormi. Toi, Denis, tu te sens quand même bien ragaillardi. T'as passé une bonne nuit. T'en avais bien besoin. Et tu vois que Lynn, un peu plus fatiguée, mais elle gère. Elle a l'habitude. C'est un peu une couche tard. Elle sait bosser sur les PC pendant des heures. C'est son dada. Donc elle gère. Elle s'est fait. Vous avez commandé votre petit café du matin. Voilà. Tout va bien. Donc maintenant, c'est à vous de organiser votre journée. Qui commence. Il est 9h du matin. Bah, première chose à faire, peut-être pas tout de suite au réveil après le café, hein, histoire de laisser Denis se réveiller, mais première chose à faire, c'est que je donne les informations que j'ai eues. On est d'accord que la chambre, est-ce que c'était une information secrète et que du coup je ne devais pas l'oublier, ou est-ce que c'était bien la chambre 311 et je me trompe pas ? 311, c'est ce que tu as trouvé. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bien. Du coup, ouais, voilà, on a cette adresse-là, on a le numéro de chambre, donc il y a moyen qu'on puisse aller voir déjà s'il n'y a pas des traces d'elle récente ou si elle y est par pur miracle, si on a un peu de carbone dans cette putain de vie. Il est quel jour aujourd'hui ? Excellente question. On est lundi. À oh, ok. Bon, espérons qu'elle soit chameuse. Oui, putain, effectivement. Allons voir dans tous les cas et on verra bien ce que ça donne okay. Après ça. Écoutez, bon, vous finissez de déjeuner, vous vous préparez, vous y allez comment là-bas ? Vous prenez quoi comme affaire ? Bah, en vrai, les affaires qu'on a. Déjà, vous prenez un équipement, vous mettez un équipement spécial, vous y allez. Tranquille, avec votre Kevlar, vous allez comment ? Alors, avec une tenue FBI, voilà. Vous allez comment ? En vrai, avec la même. Avec exactement la même tenue pour moi qu'on faisait l'enquête la veille, quoi. C'est genre, on reste dans le même setup de base. Après, c'est vrai que. Peut-être retirer les pulls FBI si. Pour éviter. Parce que si, effectivement, elle a travaillé dans la police et qu'elle a été virée et tout ça. Ça serait con qu'elle prenne mal l'arrivée de policiers vers chez elle et qu'on d'abord on voit, enfin si jamais elle est là, on voit comment se passe l'échange avant de se présenter clairement, voir si elle est plutôt agressive. Donc vous allez en civil, mais vous avez quand même vos badges sous la main au cas où. Mais est-ce que vous mettez quand même un Kevlar en dessous de vous, genre quelque chose pour. Vu que t'as dit que c'était le vraiment le truc fin, oui. Oui, voilà. En fait, ça se voit pas. Hein. C'est sous les. Ouais, c'est ça. Vu que c'est le truc fin, on parce peut. Parce que après, vous avez aussi l'autre gilet qui se met par dessus. Mais et là, lui, c'est... il est pas discret. Non, lui, il n'est pas discret. Là, t'es pas très civil. Et il est estampillé FBI accessoirement aussi. Du coup, vous y allez, ça vous prend pas trop longtemps parce qu'en fait, bizarrement, c'était assez proche de là où vous étiez. Vous arrivez devant une petite résidence avec plusieurs appartements. Quand vous regardez en fait le panneau avec les numéros des appartements, 311, c'est bien fait, c'est le troisième étage, appartement 11. Donc. C'est là où vous rendez. Vous voyez que la vue en fait de la résidence donne sur le cimetière Graceland. Donc c'est et vous voyez au-delà le lac Michigan, une très belle vue. Mis à part le cimetière qui se fait un peu glauque, mais sinon le lac Michigan c'est très joli. Quand vous commencez à vous rapprocher de l'appartement en question, vous commencez à sentir une odeur très désagréable. Une odeur assez forte en fait. Et quand vous arrivez devant la porte, clairement, vous savez que ça vient de là. Je tends un mouchoir s'il veut à Denis. Ça vous donne un peu l'impression que c'est une odeur de nourriture un peu en décomposition. C'est très. Il y a quelque chose de dégueulasse derrière, quoi. Après quoi, vous savez pas. Qu'est-ce que vous faites ? Denise, vas-y, j'aime pas les odeurs comme ça. Ok. Bon bah, je... La porte est ouverte ? Non, elle est pas ouverte. Hein. C'est une porte d'appartement, quoi. Oui, non, mais je sais pas, on sait jamais dans ces circonstances-là. Non. Tu testes comme ça, c'est fermé. Je frappe, je sonne. Aucune réponse. Annonce-toi à l'oral, tu sais, le truc habituel. Oui, je dis que de qu'est-ce qu'on est, là ou... Non, pas pour commencer, demande juste si elle est là. Ouais. Excusez-moi, est-ce que... Madame ? Est-ce que Madame... Sarah Garrison serait ici, s'il vous plaît ? Pas de réponse. C'est un appartement. Oui, c'est un appartement. Vous êtes devant la porte, ça sent très fort, ça pue, mais à max. Et il y a personne qui répond. Ok, j'ai pas envie de forcer la porte. On peut louer, c'est bien. Ça, on n'est pas passé par l'accueil. Il y a pas, enfin le concierge, non, vous avez pas forcément vu le concierge ou quoi. Après, vous pouvez toujours essayer de le trouver, mais. On se rend pas. Est-ce que est-ce que l'un ou deux est particulièrement compétent en crochetage? Ouais. Est-ce que bon, déjà, est-ce que l'odeur, on sait l'identifier, quelque chose qu'on sait. Vous savez que ça correspond plus à un peu quelque chose de pourri, quoi. Un truc un peu décomposition dégueulasse. Après de là, vous pouvez pas vous dire ah c'est un corps ou quelque... non tu sais pas, tu sais juste que ça pue, c'est infâme quoi, c'est ignoble l'odeur quoi. Bon, on peut tenter un crochetage comme a dit. Écoute, alors est-ce que vous allez avoir de la chance? Alors. Tu réussis, sans trop de problèmes. Tu ouvres la porte, et quand vous ouvrez la porte, vous voyez que cet appart, c'est une épave. Des détritus partout. Des déchets, ça s'amoncelle par-ci par-là. Vous avez plein d'emballages de junk food, la nourriture rapide, c'est restauration rapide, là, les trucs tout faits. C'est ça s'amoncelle, mais partout, c'est horrible. Tu vois même, il y a des bouteilles de coca qui sont à moitié consommées et ça c'est tellement dégueu que ça a caramélisé en haut. Tu sais, vous avez le caramel qui s'est quasiment agglutiné sur le haut de la bouteille. Enfin, c'est tellement, ça fait super longtemps que c'est comme ça. Vous voyez que le lit, il est dégueulasse. C'est sale à souhait, genre comme ça fait. En plus, j'ai l'impression que ça fait une éternité que personne n'a dormi dans ce lit. Et vous remarquez que sur le mur. Il y a une grande carte des États-Unis. Que sur cette carte, vous voyez des punaises qui sont qui partent en fait de Chicago et qui avec des petites ficelles, vous voyez, qui sont mis en gros qui vont vers le Kentucky. Vous avez des punaises qui vont vers le Kentucky. Après, ça descend dans l'état du Tennessee, donc juste en dessous. Et puis, quand ça arrive vers l'Alabama, il n'y a plus trop de punaises. C'est dessiné un peu à l'arrache, avec des traits à la main. Ça devient complètement erratique, un peu fou. Et, bizarrement, quand vous faites un peu le rapprochement, bah, ça prend la direction de la Floride, un peu. Mais, ça s'arrête à l'Alabama et... Voilà. Et je le prends en photo déjà de base. Voilà. Et de plus, vous voyez qu'il y a plein d'amoncellements de factures, de trucs, de lettres, dans tout plein ça. Et vous voyez aussi sur une table posé un petit un papier, et dessus est écrit comme un, peut-être une petite comptine ou un machin bizarre, enfin vous prenez ça comme ça, et vous voyez écrit dessus: la porte, la clé, la serrure, toutes les mêmes. Ouvre la voie pour moi maintenant. Le vivant, le mort, le mourant, tous les mêmes. Ouvre la voie pour moi maintenant. Gloire. Oui. Est-ce que tu peux recommencer du début, s'il te plaît? Okay. J'ai du mal à faire ma note. La porte, la ouais, clé, okay. La serrure, toutes les mêmes. Ouvre la voie pour moi maintenant. Le vivant, le mort, le mourant, tous les mêmes. Ouvre la voie pour moi maintenant. Gloire à Yog-Sothoth. Gloire à son nom. Merci. Vous voyez ce petit truc posé là par terre. Et ok. Et toi, Lynn, tu te rapproches en fait des tas de lettres et tout ça, machin, qui sont. Tu te rends compte que ce sont des factures. Et que tu te rends compte que Garrison est au bord de la faillite. Elle fait que bouger de l'argent entre des cartes de crédit pour couvrir les factures. Quelques temps, elle a des paiements qui sont erratiques, qui n'ont pas de sens. Tu vois que elle a une Jeep, un véhicule, et que elle a pas payé les mensualités depuis assez longtemps. Mais il y a une chose qui te saute aux yeux, c'est que il y a un endroit qui est affilié à un entrepôt où tu peux louer des unités de stockage, et ça, elle est nickel là-dessus. Mm-hmm. Tout le reste, elle est en retard et tout, mais alors ça, c'est payé en temps et en heure, tout comme il faut, il n'y a pas de retard de paiement. Donc tu vois que c'est un entrepôt à Chicago qui est... alors je vais t'envoyer le truc, ça ira plus vite. Voilà, donc c'est une entreprise qui s'appelle Lock Them Up Self Storage, et que c'est l'unité son unité 31 en fait qui lui appartient en fait, qu'elle paye les mensualités là-dessus pour l'avoir. Et ça, elle est nickel. Mm-hmm. Voilà. J'ai laissé Denise continuer à chercher l'information. Dès qu'on a toute la pièce, moi j'appelle les autres pour faire un récap si on en a beaucoup d'infos. Bah après, pour moi, Denis, tu fais un peu le tour. Franchement, c'est le dawa, quoi. C'est tout crade. T'as peur même de toucher des trucs tellement c'est sale. Tu sens que, voilà, c'est limite. Est-ce qu'elle vient vivre là-dedans? Est-ce qu'elle vit là-dedans? Tu sais même pas. Ça fait combien de temps que l'appartement est dans cet état? Combien de temps que personne n'est venu? Franchement, de ta façon de... Parce que t'as quand même l'œil de l'enquêteur, hein, t'es habitué à ça, tu sais que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue ici. Mais ça fait longtemps. Voilà. Ok. Mmh. Bon, écoute. Attends, je laisse Denis. Oui, vas-y, finis Denis et après on demandera aux autres. Donc, je pense pas qu'on ait d'autres choses à faire ici. On a rien d'autre, je sais pas, on n'a pas... En vrai, on a déjà le prochain lieu. Je sais pas, il n'y a pas un énorme... disque dur. Ah oui, intéressant. Il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas d'informatique. Que dalle. Eh oh, c'est mon métier, ça. Ouais, mais non, tu sens que... voilà, elles s'en foutent, ça. Okay. En fait. Ouais, ça... Ok. Bah du coup, moi ce que je propose, c'est que tu nous conduis à la nouvelle adresse là, on va aller voir son storage. Tu voulais pas appeler d'abord? Et justement, j'appelle en voiture, comme oui. ça, en fait. Voilà.